Les effarés. Noirs dans la neige et dans la brume, au grand soupirail qui s'allume, leurs culs en rond, à genoux, cinq petits, misère, regardent le boulanger faire le lourd pain blond. Ils voient le fort bras blanc qui tourne la pâte grise et qui l'enfourne dans un trou clair. Ils écoutent le bon pain cuire. Le boulanger, au gras sourire, grogne un vieillard. Ils sont blottis, pas un ne bouge, au souffle du soupirail rouge, chaud comme un sein. Quand pour quelques médianoches, façonnées comme une brioche, on sort le pain, quand sous les poutres enfumées chantent les croûtes parfumées et les grillons, que ce trou chaud souffle la vie, ils ont leur âme si ravie sous leur haillon, ils se ressentent si bien vivre, les pauvres Jésus pleins de givre, qu'ils sont là tous, collant leurs petits museaux roses au treillage, grognant des choses entre les trous, tout bêtes, faisant leurs prières et repliés vers ces lumières du ciel rouvert, si fort qu'ils crèvent leurs culottes et que leurs chemises tremblotent au vent d'hiver.